d'entre vous ont peut-être l'habitude de parler avec Siri, l'assistante vocale d'Apple, ou avec sa cousine Cortana chez Windows, ou avec un autre chatbot ou agent conversationnel. Il y a quand même quelque chose de mystérieux à parler avec une machine et à recevoir une réponse de cette machine. Alors ce soir, nous allons ouvrir le capot de la machine pour voir un petit peu comment ça marche. Et pour ça, je suis en compagnie de Nicolas Garneau. Il est étudiant au doctorat en informatique à l'Université Laval et membre de l'Institut Intelligence et Données. Bonjour, Monsieur Garneau. Bonjour, Madame Levé. Alors, cette conversation qu'on peut avoir avec une machine, elle repose sur des outils d'intelligence artificielle, probablement, vous allez nous le dire. Et pour le commun des mortels, l'intelligence artificielle est quand même quelque chose d'assez nébuleux. Alors, j'aimerais qu'on décortique un petit peu, étape par étape, ce qui se passe dans notre téléphone cellulaire, par exemple, ou notre ordinateur, quand on pose une question à Siri ou à Cortana et qu'elle nous répond. Alors, je propose de commencer par le début. J'ouvre Google, par exemple, et je demande à haute voix, quel temps fera-t-il demain à Québec? Donc, comment Google va entendre cette question et distinguer les mots pour réussir finalement ensuite ultérieurement à comprendre, à l'interpréter et à répondre à cette question? Oui, en effet, ce qui se passe, c'est très similaire à ce qu'on connaît avec les chatbots conventionnels lorsqu'on écrit finalement. C'est juste le médium d'entrée qui diffère. Là, dans ce cas-ci, lorsqu'on parle avec Siri ou Cortana, on va avoir une certaine bande sonore finalement. On a notre voix qui doit être interprété par la machine en arrière, puis on doit aussi recevoir une réponse vocale. Avec un chatbot, c'est très similaire. On envoie une question en format texte, il y a une interprétation qui est faite et on a une réponse en format texte aussi. Donc, pour ce qui se passe dans le cas de Siri ou Cortana et autres chatbots vocales, c'est le même concept avec les chatbots écrits. On a en entrée une question qui doit être en quelque sorte interprétée par l'algorithme. Et bon, pour ça, on peut voir ça un peu comme un modèle de traduction où est-ce qu'on va traduire la donnée vocale vers potentiellement une phrase qui aurait été traduite numériquement pour l'algorithme. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un algorithme de génération, une machine qui va nous répondre, doit avoir une représentation qui est plutôt numérique de ce qu'on lui dit. Un ordinateur ne peut pas comprendre les mots tels quels, tout fonctionne numériquement. Donc, il y a cette espèce de transformation-là des mots qui ont été traduits de façon numérique pour arriver à ce que l'ordinateur comprenne qu'est-ce qui a été posé comme question par l'utilisateur. Donc, si on découpe ça en quelques étapes, en fait, on commence avec la première étape de poser la question à la partie vocale. Après ça, il y a une espèce de traduction, comme je le disais, du point de vue vocal vers le numérique par l'ordinateur. Et là, je pense où est-ce qu'on peut en venir, c'est où est-ce qu'on peut poser des questions de manière très différente, mais qui portent le même sens. Ben oui, c'est ça. J'ai dit quel temps fera-t-il demain, mais je pourrais dire quelle sera la météo demain. Ou il fera quelle température demain? Exact. Il y a une infinité de polysémies. Oui, il faut que la machine interprète tout ça comme étant la même question. Qui porte le même sens. Il y a une petite astuce qui a été développée spécifiquement pour ça. Puis c'était un peu pour contrecarrer le fait qu'on veut pas, en fait, apprendre un algorithme de toujours. De comprendre chacun des mots dans son contexte, de savoir qu'est-ce que ça porte exactement. Ce qu'on veut, c'est d'avoir une représentation numérique, comme je le disais précédemment, qui est une représentation qui est astucieuse, qu'on a designée, de faire en sorte que les mots qui se ressemblent vont avoir la représentation numérique similaire. Mm-hmm. Donc, on change quelques mots. En fait, on demande la température, quelle température il fera demain ou quel temps fera-t-il à Québec demain. Mais là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des termes qui portent le même sens et des représentations numériques qui sont similaires. Et c'est là l'astuce pour faciliter le travail de ces machines-là. Ça va grandement les améliorer à comprendre ce qui a été introduit et ce qui a été posé comme question par l'utilisateur. Et là, la deuxième question qu'on peut se poser potentiellement, c'est bien, le terme température peut porter plusieurs sens. Dépendamment dans le contexte dans lequel il se trouve. Donc là, ce qui, la manière que la machine va fonctionner derrière ça, c'est qu'on va pas seulement considérer le mot, la valeur numérique d'un mot en soi, mais on va aussi considérer le contexte dans lequel ce terme-là apparaît, parce que le contexte peut différer seulement la température d'ébullition, par exemple, ou seulement la température qu'il va faire à Québec. Ouais, si on demande la température d'ébullition de l'eau, on n'a pas envie de recevoir en réponse une prévision météo. Exactement. Donc, la machine, elle sache différencier la température. Est-ce qu'il est question d'une température d'ébullition ou autre chose, ou une température de fusion, ou est-ce qu'on parle de météo? Tout à fait. Et puis ça, c'est vraiment le contexte qui va nous fournir cette information-là, qui va aiguiller, en fait, Siri ou Cortana à dire c'est quel sens qu'on veut vraiment porter au mot température dans son contexte, qui va aiguiller Siri à aller chercher la bonne information pour l'utilisateur. Donc ça, c'est aussi avec la représentation numérique, vous appelez ça. Donc chaque mot est un peu traduit en une représentation numérique. Donc, exactement. Donc, regarde si température et les autres mots qui sont à côté, s'il y a quelque chose qui peut s'apparenter un petit peu pour savoir dans quel contexte on est. Exactement. Dans le fond, le contexte va venir modifier d'une certaine mesure cette représentation numérique-là. Parce que ce qu'on veut, c'est que le terme température, bon, on peut associer ça à un degré Celsius ou Fahrenheit. Dans les deux cas, en termes d'ébullition ou en température extérieure, ça va être cette même association à un degré. Par contre, si on fournit plus de contexte, c'est là qu'on va vouloir modifier cette représentation numérique-là pour dire, ben, est-ce qu'on fait référence à une température d'ébullition de l'eau, ou est-ce que, bon, peut-être que le degré va se situer autour de 100 degrés, alors que, ben, une température extérieure, ben, on est plus dans les 15-20 degrés lorsqu'on est, par exemple, au printemps, automne, quelque chose du genre. Et ça, c'est la première étape, un petit peu, parce que ça permet à la machine de savoir quelle est la question, mais ensuite, il faut que la machine trouve, on ne sait pas trop où, la réponse. Oui, là, on est vraiment dans l'étape où est-ce qu'on appelle, en jargon anglophone, c'est du question answering, où est-ce qu'on veut répondre en fait, il y a une détection de la question d'abord qui va se faire. Donc, on essaie de détecter c'est quoi l'intention de l'utilisateur, quelle question qu'il pose, justement en extrayant les mots-clés qui sont pertinents. Et ensuite de ça, en ayant l'intention, les mots-clés qui ont été extraits, on va vouloir trouver la réponse ou la générer de toute pièce pour fournir la réponse au meilleur des connaissances de Siri, la réponse qui va satisfaire l'utilisateur. Donc là, c'est tout un problème de recherche, de dire, ben, étant donné une base de données immense, si on veut savoir des trucs plutôt factuels ou historiques, ben là, on va potentiellement aller voir sur Wikipédia ou le web au complet. Étant donné les questions qu'on a entre les mains, les mots-clés qu'on a extraits, ben, on va aller chercher la réponse qui va satisfaire cette question-là. Et est-ce que là, ça se passe aussi par similarité un peu entre les vecteurs numériques, ben, entre la représentation numérique des mots de la question et la représentation numérique de tout ce qu'il peut y avoir dans Internet? Très souvent, c'est le genre de façon qu'on va utiliser. Il y a plusieurs manières d'arriver à nos fins. Celle-ci, c'est une que je peux introduire parce qu'on va vouloir, par exemple, aller trouver numériquement celle qui est le plus similaire, la réponse qui va être la plus similaire ou la plus pertinente à cette question-là. Mais sinon, traditionnellement, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment y aller par un jeu de mots-clés et de voir quels sont les mots-clés qui vont le mieux répondre à cette question-là. Mais il y a un paquet de manières d'y arriver, mais l'idée à retenir, c'est que il y a un travail de recherche qui est fait par l'algorithme à savoir quelle est la réponse la plus pertinente qui va répondre à cette question-là. Mais alors là, donc là, l'algorithme a compris la question, est allé chercher dans toutes les données qu'il peut y avoir sur Internet la réponse, mais il faut ensuite que l'algorithme formule la réponse, fasse une phrase. Siri ou Cortana, ils vont nous répondre et il va dire bah, « demain, il fera, le ciel sera dégagé à Québec et il fera avec un maximum de 8 degrés ». Donc, même si elle trouve l'information quelque part, il faut quand même qu'elle soit capable de générer une phrase qui soit grammaticalement correcte et compréhensible. Exact, tout à fait. On peut le voir en peut-être trois niveaux de granularité, très grossiers si on veut. Dans le premier niveau, le plus grossier, on peut voir ça comme étant simplement un problème de sélection de réponse. On va juste donner la réponse, déjà écrite, toute prête, d'un ensemble de bases de données de réponse, par exemple, qui va nous dire, ben voici la température à Québec aujourd'hui. La réponse a déjà été écrite par un humain ou par exemple par un système de génération quelconque. Et ce qu'il risque de faire, c'est qu'il va aller sélectionner la réponse la plus pertinente. Un niveau de granularité plus élevé serait, ben on va avoir des espèces de patrons de réponse et on va venir remplir, si on veut remplir, on veut avoir la température d'aujourd'hui, par exemple, mais on va juste aller trouver dans une base de données combien il fait aujourd'hui. Et dans un patron de réponse, par exemple, la température à Québec est de, on veut juste savoir c'est quoi le degré actuel. Donc, on va venir remplir ces patrons-là avec l'information manquante qui est intéressante pour l'utilisateur. Un autre niveau de granularité encore plus fin, ben là, ça va être une génération de toutes pièces. C'est, étant donné l'information que j'ai retrouvée, je veux savoir le degré. On a la localisation, par exemple, à Québec. On est en après-midi, ainsi de suite. Il y a un paquet de variables qu'on pourrait intégrer là-dedans. Mais là, on voudrait, étant donné un algorithme de génération automatique de texte, mais là, on voudrait générer une phrase de toute pièce. Mm-hmm. Donc ça, c'est ce qui se passe. Je crois que c'est ce que vous appelez de façon plus générale le traitement automatique du langage naturel. C'est plusieurs facettes. En fait, c'est un gros domaine. Il y a plusieurs, sous-domaines à ça. Dans ce que je viens d'introduire, ben, on peut penser, première étape, lorsqu'on voulait extraire les mots pertinents, on est souvent en ce qu'on appelle compréhension de la langue, où est-ce qu'on essaie de comprendre le sens d'une phrase, d'un bout de texte. Il y a une autre partie où est-ce que je parlais d'aller chercher l'information sur le web ou d'aller chercher l'information sur Internet. On est plus comme on l'appelle en anglais, c'est le information retrieval, mais c'est en bon français, c'est d'aller chercher l'information, finalement. Ouais. Et ensuite, on est en génération textuelle. Ce qu'on peut faire, on peut générer en remplissant des patrons de génération ou en faisant de la génération textuelle de toute pièce. C'est un autre sous-domaine du traitement automatique de la langue naturelle, qui est mon sujet de doc principal. Mais c'est vraiment, il y a un paquet de domaines, de sous-domaines au niveau du traitement automatique de la langue naturelle. Puis j'imagine qu'il y a d'autres applications là pour introduire le sujet. On a parlé, on a donné cet exemple-là qu'on pose une question à un assistant, mais il y a d'autres applications. Qu'est-ce que ça pourrait être, les autres applications? Vu que je travaille beaucoup avec la génération automatique de texte, puis récemment, il y a des compagnies comme OpenAI qui ont rendu disponibles des modèles de génération automatique qui sont super performants. Puis bon, ça a été rendu disponible il y a quelques temps cet été, même au printemps, mais l'année dernière, il y avait déjà soumis des exemples de génération automatique de texte qui pouvaient être faits. Et là, les auteurs, même encore dans l'article scientifique qui a été soumis cette année, lèvent un drapeau en disant que ben, les algorithmes de génération textuelle ont un biais induit dans les données qui ont été utilisées pour faire l'entraînement de ce générateur de texte-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par biais induit? C'est que le générateur va forcément se mettre à générer des données, du texte qui contient des données qui ne sont pas factuelles. Qui pourrait, par exemple, être un dialogue entre... Oui, je vais vous interrompre un petit peu parce que je veux qu'on comprenne mieux ce que c'est un générateur de texte. Ça veut dire que l'algorithme va écrire un texte. Ça pourrait être pour quel type d'application concrète? Une des applications pourrait potentiellement être un chatbot, par exemple. Est-ce qu'on voudrait générer une réponse textuelle à une personne qui a posé une question? Un autre endroit où les générateurs de texte sont largement utilisés, qu'on connaît tous bien, c'est les traducteurs automatiques. On a une phrase en français, on veut la partie compréhension de la langue, on va vouloir comprendre qu'est-ce qui était écrit en français. Et ensuite de ça, on a un générateur automatique qui, lui, étant donné l'information comprise, on veut générer du texte en anglais. Ah ouais, pour du mot à mot qui n'a pas de sens. Exactement. Et donc, les générateurs de texte sont présents dans beaucoup, beaucoup d'endroits dans le traitement de la langue naturelle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites récemment. Et maintenant, les générateurs automatiques de texte, on peut générer des articles de toutes pièces. C'est ce que les gens chez OpenAI nous ont montré, c'est qu'on peut générer un article complet qui se tient et qui, pour le commun des mortels, les paragraphes, on ne voit pas que ça a été généré par une machine. Jusqu'à tout récemment, on avait beaucoup, beaucoup de difficultés à faire de la génération qu'un humain était prêt à de déceler. Les algorithmes maintenant sont rendus à un point tel qu'on est capable de berner un paquet de personnes et de faire croire plein de choses qui ne sont pas véridiques, en fait. Donc, un article, par exemple, un article de journal pourrait être écrit par un algorithme qui fait de la génération de texte. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et c'est là, donc, le lien que vous faites avec, parce que dans votre, dans le webinaire que vous avez donné plus tôt, dans le cadre de l'Institut informatique et données, vous avez parlé également des fausses nouvelles. Ouais. Donc, est-ce que c'est en lien avec cette génération, cette fonction générateur de texte, finalement, et qui pourrait donc écrire un texte et inclure des fausses nouvelles que le lecteur ne pourrait pas détecter? Ben, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est de s'assurer, de vérifier, et dans l'hypothèse qu'on va commencer à avoir des générateurs de texte automatiques, parce que probablement qu'il y en a déjà, c'est de s'assurer de vérifier tout l'aspect factuel d'une nouvelle, à savoir les dates, les personnes impliquées, qu'est-ce qui a été commis, si on parle de fraude ou quoi que ce soit, par exemple. Donc, un algorithme de génération automatique, lui, ne va pas nécessairement se soucier de cette véracité-là des propos qui ont été générés. Et comme je le mentionnais dans mon webinaire, ce qui est important, c'est de faire vraiment attention à parce que maintenant, c'est très dur, comme je le disais, de détecter ça pour un humain. Donc, c'est à faire attention à savoir est-ce que potentiellement, ben, comme dans un contexte électoral aux États-Unis, est-ce que des gens pourraient potentiellement utiliser ces générateurs de textes-là pour se mettre à faire de la propagande pratiquement automatique ou semi-automatisée, parce qu'on génère des textes qui sont factuellement pas vrais, mais qui veulent propager une idée. Bon, c'est le genre de questions qu'on peut se poser, c'est le genre de penser que je veux que les gens se mettent à avoir pour se méfier un peu de ce style de problème. Mais là, en même temps, bon, il y a l'effet que le générateur de texte peut écrire un texte qui contient certaines erreurs factuelles et que peut-être il n'aurait pas reçu l'instruction de vérifier cette information factuelle. Mais en même temps, dans le cadre d'un contexte électoral, il y a quand même un message, en même temps, il y a quand même un message politique. Donc, non seulement il y aurait une fausse nouvelle, mais ce serait une fausse nouvelle en induisant quand même une idée à l'avantage d'un parti ou de quelqu'un. Ouais, donc c'est une double complication. C'est un problème qui est très difficile, puis beaucoup de chercheurs cherchent à résoudre ce problème-là, pas nécessairement dans une idée de justement générer des fausses nouvelles parce qu'on va vouloir faire de la diffamation ou apporter des propos qui sont mauvais à d'autres personnes. Mais juste pour se donner une idée de comment on fait pour conditionner justement un générateur de texte, de dire ben, « j'aimerais ça que tu me génères un texte qui va porter tel thème ou tel propos ben, ». Le meilleur exemple qui illustre ce mécanisme-là, c'est un traducteur automatique. Comme je l'ai mentionné, un traducteur automatique, on va avoir une langue en français, une phrase en français, va vouloir générer un bout de texte en anglais ce bout de texte-là en anglais, ben, il est conditionné sur le contenu en français. Donc, ce qu'on peut faire potentiellement pour générer un article, ben, c'est de dire, ben, là, on peut voir ça comme étant un traducteur automatique, mais ce que je veux, c'est, étant donné des faits que je veux rapporter, une certaine idée que je veux véhiculer dans mon article, ben, je vais venir générer un article qui va véhiculer cette idée-là. C'est un problème qui est assez dur. C'est pas comme la génération de toutes pièces, parce qu'on laisse aller l'algorithme faire ce qu'il veut. Là, on veut vraiment y donner une direction. Donc, c'est un peu plus difficile à faire. Ouais. Mais c'est il y a beaucoup de chercheurs qui se penchent sur ce dossier-là. Notamment, c'est un de mes sujets de recherche aussi. Ouais. Mais pas dans le contexte de générer des fausses nouvelles. mais c'est quand même, c'est un problème qui est largement étudié. Donc, vous n'avez pas de fausses nouvelles à propager, genre. Non, non, non, non. Mais à ce moment-là, puisque tout ça, finalement, ce sont des utilisations de l'intelligence artificielle et que ça peut générer des problèmes de fausses nouvelles, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait être la solution, c'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle pour détecter les fausses nouvelles? Mais ça a déjà beaucoup été étudié. Oui. Puis, un des universités, qui est l'université Washington à Seattle, en même temps, le Hallen Institute à Washington, qui se penche beaucoup sur ce problème-là, à savoir, parce que le problème de générer un article c'est un problème qui est beaucoup plus dur que de détecter si l'article a été généré, en fait. Donc, on arrive à un certain, jusqu'à une certaine mesure à détecter une génération, mais encore là, on a toujours un petit pas de retard pour les détecteurs, en fait, les modèles qui arrivent à détecter, parce que ce que les chercheurs font principalement, c'est d'améliorer la génération textuelle, parce que si on améliore la génération textuelle, on améliore un paquet d'autres sous-domaines du traitement automatique de la langue naturelle. Mais oui, il y a des chercheurs qui se penchent sérieusement sur comment on peut détecter ces générations qui sont faites de toutes pièces. Donc, de ce que je comprends, vous avez un vaste domaine de recherche et il y a encore beaucoup à chercher dans ce domaine. Oui. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Garneau, d'avoir relevé ce défi de nous expliquer comment marche et comment une machine comprend les questions et y répond, et d'avoir en même temps répondu à d'autres questions de l'intelligence artificielle et du traitement de langage naturel. Donc, je rappelle que vous êtes étudiant au doctorat en informatique à l'Université Laval et membre de l'Institut Intelligence et Données. Merci, Monsieur Garneau. Merci, Madame Levé.